un auditeur gagnant en écoutant Énergie. Bravo. Envoie Melbourne au 411. Énergie t'offre un aller-retour pour deux personnes pour Melbourne. Validité 6 mois. Envoie Melbourne au 411. Et pour 368 francs, gagne un cadeau de 145 600 francs. Envoie Melbourne au 411. Jeu gratuit, bulletin disponible à Énergie. Attention, ce sont les derniers jours. Tirage le vendredi 30 septembre à midi en direct sur Énergie. Alright, are you ready for this? Énergie Nouvelle-Calédonie. Énergie, it's music only. Can make the bad guys good for a weekend. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over, if the high was worth the pain. Got a long list of ex-lovers, they'll tell you I'm insane. Cause you know I love the players, and you love the game. Cause we're young and we're reckless, we'll take this way too far. It'll leave you breathless. And I'll write your name. Cherry lips, crystal skies. I could show you incredible things. Stolen kisses, pretty lies. You're the king, baby, I'm your queen. Find out what you want. Be that girl for a month. Wait, the worst is yet to come. Énergie Nouvelle-Calédonie. Énergie 93.5. Bonjour, deuxième jour de la semaine. On est heureux d'être avec vous. On va fêter aujourd'hui, en ce 20 septembre, les Davis. C'est le 264e jour de l'année. L'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Bonjour Delphine. Bonjour JB, bonjour tout le monde. Le niveau 2 du plan Orsec feu de forêt a été déclenché suite à l'incendie à Ouégoua qui a déjà ravagé plus de 700 hectares de végétation. Sonia Lagarde, députée maire de Nouméa, estime que le ponton du Château Royal doit être restauré ou reconstruit. De la prison ferme pour un casse à la voiture Bélier à Païta. Ça s'est passé au cours du week-end du 27 août. Le préjudice était chiffré à plus d'1 million de francs. Verdict, 2 et 3 ans de prison pour deux des prévenus, 8 et 6 mois pour les deux autres. Un jeune homme en cavale a été arrêté à bord d'une voiture volée. Ça s'est passé au cours d'une grosse opération de gendarmerie ce week-end pour appréhender les délinquants de homejacking et lutter contre la délinquance routière. Pour la 6e année consécutive, l'association Ensemble pour la Planète organise, elle, le festival cinématographique Santé Nature. Dans le reste de l'actualité, le suspect d'origine afghane qui était recherché dans l'enquête sur les attentats à la bombe dans la région de New York a été interpellé ce lundi par la police à Linden dans le New Jersey après une fusillade. Et puis à Paris, un adolescent de 16 ans soupçonné d'être à l'origine de la fausse alerte qui a provoqué samedi une vaste opération antiterroriste a été arrêté lundi et placé en garde à vue. Un deuxième ado est toujours recherché. Enfin, à peine 2 semaines après l'agression de 2 surveillants, 4 détenus de l'unité de déradicalisation de la prison du Val-d'Oise ont été transférés après des menaces. Ils projetaient la même attaque. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Pour bien démarrer la journée, c'est le Morning Energy. Avec Matériaux Center, l'univers des matériaux de construction à Ducos, Zico Paita et Point Bout. Les rendez-vous gag, humour, c'est aussi Van der Kroet et l'horoscope, des rubriques et puis de l'info toutes les 30 minutes. Soyez les bienvenus, c'est le morning, on est là pour vous réveiller. Vous êtes avec nous sur la route, s'il y a des choses à signaler, 05 34 34. I won't just survive. Oh, you will see me thrive. Can write my story. I'm beyond the archetype. I won't just conform. No matter how you shake my core, 'cause my roots, they run deep. Oh, oh yeah, so little faith. Don't doubt it, don't doubt it. Victory is in my veins. L'éphéméride d'Energy, c'est un jour, un événement. Alors, quel événement? Eh bien, on va vous mettre une musique. Vous me dites si ça vous dit quelque chose. Allez! Ah, pour les plus anciens, quand même, j'avoue. Et oui, ce 20 septembre 1954, la série télévisée est diffusée pour la première fois aux États-Unis sous le nom de Flipper. Et oui, première diffusion de Flipper le Dauphin. Pourtant, ce n'est pas à la télévision, mais au cinéma que Flipper a fait ses premières apparitions avec Aventure en Floride et Flipper et les Pirates. Au début de la série, le dauphin qui jouait le rôle de Flipper s'appelait Suzy. Il y a eu par la suite plusieurs animaux pour jouer le rôle, mais toutes étaient des femelles. En France, la première diffusion de 88 épisodes de la série a eu lieu sur la seconde chaîne de l'ORTF de l'époque, à partir de novembre 1966. Énergie Nouvelle-Calédonie. 93.5. Qu'avez-vous prévu pour les prochaines vacances scolaires d'octobre? Inscrivez vos enfants au stage de l'école de cirque de Nouvelle-Calédonie. Ils ont entre 6 et 14 ans. Faites-leur découvrir les arts du cirque dans les règles de l'art. Acrobatie, jonglage, équilibré aérien. Deux périodes de stage sont proposées à la salle Ernest Véré à Nouméa. Renseignements et réservations au 28 76 78. Joyeux anniversaire Simply Market. Jusqu'au 2 octobre, vos deux supermarchés Michel-Ange et Tontouta vous invitent à savourer un cocktail de prix cadeau. Et les derniers jours, profitez de remises sur vos produits Auchan. Alors, jusqu'au 2 octobre, soyez festifs, soyez Simply. Simply Market, Michel-Ange et Tontouta. VIP de Simply. Le 24 septembre 2016. Le gouvernement a l'honneur de vous convier à la 11e fête de la citoyenneté sur le site de Chélo à Poum. Atelier, forum citoyen, expo, animation culturelle. Rejoignez-nous autour de nos valeurs communes. Et aussi à Nouméa, au centre culturel Tibaou, venez nombreux partager à partir de 16h un concert exceptionnel de chorale gratuit. Renseignements 24 65 65 ou sur le site gouv.nc. Ceci est un communiqué du gouvernement. Le 05 34 34, c'est le numéro vert d'énergie et c'est gratuit. Avec Olala, pour le plaisir de séduire, mettez plus de sensualité dans votre vie. Olala, votre love shop sur Lansvata. Inforoute, besoin d'un renseignement, d'intervenir à l'antenne, de râler, de nous aimer? Composez le 05 34 34, le numéro gratuit d'énergie. Plus la peine de vous tracasser sur la durée de votre appel. Le 05 34 34, c'est gratuit. Grâce à qui? Olala, conseil et discrétion à votre portée sur www.olala.nc. Olala.nc pour le plaisir de séduire. Énergie Nouvelle-Calédonie. Énergie, it's music only. Sometimes you gotta bleed to know that you're alive and have a soul. But it takes someone to come around to show you how. She's a tear in my heart. I'm alive. She's a tear in my heart. I'm on fire. She's a tear in my heart. Take me higher than I've ever been. The songs on the radio are okay, but my taste in music is your face. And it takes a song to come around to show you how. She's a tear in my heart. I'm alive. She's a tear in my heart. I'm on fire. She's a tear in my heart. Take me higher than I've ever been. Than I've ever been. In my car I drove the whole time, but that's okay, I'll just avoid the hole so you sleep fine. I'm driving, here I sit, cursing my government for not using my taxes to fill holes with more cement. You fell asleep in my car, I drove the whole time, but that's okay, I'll just avoid the hole so you sleep fine. I'm driving, here I sit, cursing my government for not using my taxes to fill holes. Sometimes you gotta bleed to know, oh, oh, that you're alive and have a soul, oh, oh, but it takes someone to come around. Carver, she's a butcher with a smile. Cut me farther than I've ever been. Pourquoi tu te caches tous les jours? Où es-tu mon amour? Je voudrais savoir où tu es parfois, mais je pourrais comprendre qu'on en reste là. Toi j'ai trouvé mon âme sœur, et même sans toi mon amour, je n'aurais pas peur. Time and place, there's no disguise. Every moment's paradise now. You're surrounded by the blue skies. Surely there's no compromise. When it's your time. Avec Matériau Center, réalisez vos projets sur www.matériaucenter.nc. Des journées mondiales ou européennes, on en a l'habitude, mais trois d'un coup, oh là, on est gâté. C'est aussi aujourd'hui donc la journée mondiale, européenne de la prostate. Pourquoi le reste du monde n'y est pas associé, va savoir. Journée du transport public, mais aussi journée mondiale du logiciel libre. Et c'est sur ce dernier que l'on va s'arrêter quelques instants. Cette célébration est d'origine anglo-saxonne. Elle concerne tout particulièrement le monde du logiciel open source. L'objectif de cette journée est de sensibiliser le grand public aux bénéfices qu'il peut tirer de l'utilisation de logiciels libres de qualité dans le domaine de l'éducation, au bureau ou encore à la maison. Et même dans les instances gouvernementales, en quelque sorte, partout. Énergie Nouméa 93.5. Étudiants, futurs étudiants, les aides de la province sud, c'est en ce moment. Va voir sur tazar.nc. Connexion internet, fax et scan, cyber.nc. Imprimante, reliure et plastification, cyber.nc. L'écrivain public qui vous aide à rédiger vos courriers, lettres de motivation et CV. Ça, c'est signé cyber.nc. Cyber.nc, le cyber qui t'accompagne, derrière le musée de la ville. La cuisine au restaurant Marmite et Tire-Bouchon, une affaire de passionnés. Régalez-vous d'une cuisine délicieusement originale. Des nouvelles recettes chaque semaine, le goût de l'innovation dans une carte pleine de saveurs, une formule de prix sans surprise, à tarif unique, au choix, à la carte. Le restaurant Marmite et Tire-Bouchon, une cuisine de caractère. Ouvert 7 jours sur 7, midi et soir, baie de l'Orphelinat. Réservation au 25 17 05. Bonjour, c'est moi Mémé Sourire. Sais-tu que notre bouche est un vrai paradis pour les bactéries ? Elles vivent paisiblement autour de nos dents, mais ces bactéries adorent les produits sucrés. Plus tu manges de sucre et plus les bactéries deviennent méchantes. Elles produisent des acides qui attaquent l'émail. C'est ainsi qu'apparaissent les caries. Cela peut faire très mal et tu peux perdre tes dents. Alors écoute Mémé Sourire. Pour des dents en bonne santé, évite les produits sucrés. Ceci est un message de l'Agence sanitaire et sociale de la Nouvelle-Calédonie. Attention, ce sont les derniers jours pour envoyer Mel Annie. Mais non, c'est pas Mel Annie qu'il faut envoyer, c'est Melbourne. Deviens un auditeur gagnant en écoutant Énergie. Bravo! Envoie Melbourne au 411. Énergie t'offre un aller-retour pour deux personnes pour Melbourne. Validité 6 mois. Envoie Melbourne au 411. Et pour 368 francs, gagne un cadeau de 145 600 francs. Envoie Melbourne au 411. Jeu gratuit, bulletin disponible à Énergie. Attention, ce sont les derniers jours. Tirage le vendredi 30 septembre à midi en direct sur Énergie. Le bulletin météo d'énergie avec la nouvelle Subaru XV. Décidez de la voie à suivre, vivez votre aventure. Les prévisions établies par Météo France. Alors pour ce matin, ça va vite, grand beau temps sur le pays et le vent est faible. Ensuite, le soleil brille dans l'après-midi, malgré de petits cumulus sur le relief et les loyautés. Ces nuages débordent parfois sur le nord-est de la Grande Terre. Les températures maximales augmentent légèrement. Elles sont comprises entre 27 et 30 degrés et quand même jusqu'à 31 degrés sur l'ouest. Alors demain, changement de temps puisqu'une bande nuageuse accompagnée de petites ondées arrive sur le sud, remontant ensuite le long de la côte ouest et sur marée. Cette bande nuageuse se dissipe progressivement l'après-midi en poursuivant son déplacement vers le nord, laissant donc de nouveau plus de place au soleil sur le sud. Et puis jeudi, c'est encore une journée bien ensoleillée. Toutefois, des nuages circulent encore sur le nord-est le matin, puis les nuages se forment sur le relief du nord où quelques averses sont attendues l'après-midi. La météo, c'est trois rendez-vous quotidiens. Avec la nouvelle Subaru XV, l'aventure commence sur www.subaru.nc. When I wake up in the morning, I see nothing for miles and miles and miles. When I sleep in the evening, oh Lord, there she goes, only in dreams, she's only in dreams. Under the sun, now I'm trying to wake up from there. 6h30, on fête aujourd'hui les Davis. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Bonjour Delphine. Bonjour JB, bonjour tout le monde. Sonia Lagarde veut sauver le ponton. La destruction annoncée du wharf du Château Royal ne laisse pas les Calédoniens indifférents. 1979 personnes ont affiché « J'aime » sur la page Facebook « Sauver le ponton » et plus de 2100 signatures sont annoncées sur la pétition en ligne. Et bien dans un communiqué diffusé hier, Sonia Lagarde, députée maire de Nouméa, estime que le ponton, je cite, doit être restauré ou reconstruit. Elle ajoute que la mairie de Nouméa est prête à envisager un partenariat financier entre les deux collectivités en y incluant une souscription publique. Toutes les pistes, conclut-elle, doivent être explorées de façon à préserver ce patrimoine cher aux Nouméens. Un jeune homme en cavale a été arrêté à bord d'une voiture volée pendant 3 jours. De jeudi à samedi, une centaine de gendarmes ont littéralement quadrillé tous les axes de La Foy à Bouraille, de Wailou à Thio, en passant par Boulou-Paris et Tontouta. Les unités se sont déployées discrètement afin d'appréhender des délinquants qui descendaient à Nouméa pour des homejacking et remontent sur la côte est en voiture volée. Au bout de quelques heures, les gendarmes ont détecté un véhicule suspect. Ils l'ont intercepté. À l'intérieur, un des jeunes était en fait un évadé. Le garçon de 20 ans était recherché depuis le début du mois pour ne pas avoir respecté ce régime de semi-liberté. Hier, il a écopé d'une peine de 18 mois de prison. Au total, en tout cas, 350 véhicules ont été contrôlés et 15 personnes ont également été interpellées pour des délits routiers. Dans le reste de l'actualité, le suspect d'origine afghane, Ahmad Khan Rahami, qui était recherché dans l'enquête sur les attentats à la bombe dans la région de New York, a été interpellé ce lundi par la police dans le New Jersey après une fusillade. Rahami avait été blessé lors de l'intervention. Deux policiers ont également été touchés, l'un à la main et l'autre au niveau de son gilet pare-balles. L'homme n'était pas sur les radars de la police locale. Quant aux motivations du suspect, le FBI a précisé qu'il n'avait aucune information sur une cellule terroriste opérant à New York. D'après Barack Obama, aucun lien en revanche n'a été établi entre ces attentats à l'attaque et l'attaque au couteau commise samedi également, mais à 2000 km de New York, dans un centre commercial du Minnesota. Et puis, âgé de 16 ans, un adolescent soupçonné d'être à l'origine de la fausse alerte qui a provoqué samedi une vaste opération antiterroriste à Paris, a été arrêté lundi et placé en garde à vue. Le jeune homme a été arrêté en début d'après-midi dans la Marne. Un deuxième adolescent également toujours recherché. Les enquêteurs de la brigade criminelle de la PJ parisienne privilégient pour le moment la thèse d'un acte malveillant qui serait l'œuvre de hackers. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Much as you blame yourself, you can't be blamed for the way that you feel. Had no example of a love that was even remotely real. How can you understand something that you never had? Oh baby, if you let me, I can help you out with all of that. To life. démarrer la journée, c'est le Morning Energy. Avec Matériaux Center, 7000 m² de matériaux de construction pour réaliser et bâtir vos projets. 28 04 04. Et tu sais, on dit toujours que ce sont les meilleurs qui partent en premier. Ben, du coup, j'ai peur pour moi. Hein. T'as vu ? Je me force pas pour rire, c'est naturel. Tous les jours, découvrez signe par signe ce que vous réservent les astres pour votre avenir avec les bijouteries Chloé et Maison de la Montre, Centre-Ville, Port-Plaisance et Belleville. Bonjour à tous, aujourd'hui mardi 20 septembre, l'horoscope des béliers vous ferez preuve d'une énergie à toute épreuve, pour autant, ne vous croyez pas infatigable. En couple les taureaux, votre relation retrouvera des couleurs. Chez moi, si vous réalisez le travail que l'on attend de vous, tout va forcément très bien se passer. Cancer, les célibataires, une journée merveilleuse vous attend. Vous ne devriez avoir aucun mal pour séduire. Lion, vous serez habile, prévoyant et doté d'une grande éloquence. On vous suivra sans broncher. Vierge, vous serez pris d'une envie irrépressible de romance et de douceur de vivre. Les balances, des malentendus surgissent en raison de votre attitude dispersée. On peut douter de votre fidélité. Scorpion, vous trouverez une épaule à qui confier votre tracas et vous serez agréablement surpris. Sagittaire, surveillez-vous car les sucreries agiront comme un aimant sur vous. Capricorne, les planètes vous présentent la personne que vous attendez, celle qui vous fera vibrer. Verseau, votre travail demande de faire des choix. On vous impose des responsabilités que vous n'avez pas vu venir. Les poissons à deux, votre histoire aura la possibilité de panser ses plaies, de retrouver la chaleur des échanges complices. Excellente journée à tous. L'horoscope avec les bijouteries Chloé et Maison de la Montre, Centre-Ville, Port-Plaisance et Belleville. Sortant le premier le matelas, j'ai pris pour que tout me réussisse. Car quand j'avance, tout le monde s'écarte surpris. Ambitieux, mais les jambes un peu trop flasques, je cherchais ma dynamite. C'est là qu'elle s'est lancée, d'un coup soudain m'attrape, puis me fit plonger dans le vide. Je ne vivrai plus que la nuit. Si tu vends les

one day, watch this madness, colorful charade. No one can be just like me anyway. Just like ourselves a bottle, California red. We're drinking on a Tuesday, let it go straight to our heads. And we'll eat from good china, and make love on linen sheets. Just like there's no tomorrow, no surrender, no. Coca-Cola bien frais. Savoure chaque journée. Vibre au rythme de l'amitié. Profite de ta vie. Ajoute un peu de folie. Savoure chaque moment. Énergie Nouvelle-Calédonie. Énergie 93.5. Merci d'avoir choisi Énergie. Il est 7h et aujourd'hui, c'est encore un beau ciel bleu que nous aurons toute la journée. Demain, petite dégradation. Bonne fête au Davy. L'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. 700 hectares de végétation ravagée à Ouégoua, le niveau d'eau du plan hors sec, feu de forêt déclenché. Le suspect des attaques de New York et du New Jersey a été arrêté. Enfin, des détenus islamistes préparaient une nouvelle attaque à Osny dans le Val d'Oise. Nous sommes le mardi 20 septembre, Delphine Escanès pour les news. Bonjour. Bonjour JB, bonjour tout le monde. Le niveau d'eau du plan hors sec, feu de forêt a été déclenché suite à l'incendie de Ouégoua. Deux incendies se sont déclarés ce week-end qui ont ravagé plus de 700 hectares de végétation. Une exploitation porcine qui figure dans l'axe de la propagation du feu est menacée. On écoute Éric Baquès, directeur de la sécurité civile et de la gestion des risques. C'est un incendie qui court depuis ce week-end et qui a nécessité l'activation du plan hors sec feu de forêt de niveau 2 puisqu'il commence à s'approcher de la commune de Poumes et donc dépasser le strict cadre de la commune de Ouégoua. Donc l'activation du niveau 2 feu de forêt, ça implique que le président du gouvernement prenne la direction des opérations de secours et que le commandement des opérations de secours cours soit confié à un officier de la direction de la sécurité civile, en l'occurrence le capitaine Guépy, qui est parti à la tête de 18 hommes avec 5 engins pour essayer de lutter contre cet incendie. Le dispositif comprend notamment un camion-citerne, feu de forêt moyen léger, un véhicule de secours et d'assistance aux victimes, l'hélicoptère bombardier d'eau est également engagé par la direction de la sécurité civile. Sonia Lagarde veut sauver le ponton. La destruction annoncée du wharf du Château Royal ne laisse pas les Calédoniens indifférents. 1979 personnes ont affiché « J'aime » sur la page Facebook « Sauver le ponton » et plus de 2100 signatures sont annoncées sur la pétition en ligne. Dans un communiqué diffusé hier, Sonia Lagarde, députée maire de Nouméa, estime que le ponton, je cite, doit être restauré ou reconstruit. Elle ajoute que la mairie de Nouméa est prête à envisager un partenariat financier entre les deux collectivités en y incluant une souscription publique. Toutes les pistes conclues-elles doivent être explorées de façon à préserver ce patrimoine cher aux Nouméens. De la prison ferme pour un casse à la voiture Bélier à Païta. Au cours du week-end du 27 août, un quatuor avait effectué, rappelez-vous, un casse à la voiture Bélier dans un magasin d'Ondémia à Païta. Ils étaient parvenus à s'enfuir avec des cigarettes, de l'alcool, de l'argent contenu dans la caisse. Au total, le préjudice était quand même chiffré à plus d'un million de francs. Eh bien, la bande vient d'être jugée hier par le tribunal correctionnel. Les explications de ce coup d'éclat: on cherchait de l'alcool parce qu'on voulait fêter le départ d'un cousin en France. Voilà ce qu'a expliqué l'un des prévenus au juge. Verdict, eh bien, 3 et 2 ans de prison pour deux des prévenus et 8 et 6 mois pour les deux autres. Un jeune homme en cavale a été arrêté, lui, à bord d'une voiture volée. Pendant 3 jours, de jeudi à samedi, une centaine de gendarmes ont littéralement quadrillé tous les axes de la foie Bouraille, de Wailou à Thio, en passant par Boulou Paris et Tontouta. Les unités se sont donc déployées discrètement afin d'appréhender des délinquants qui descendent à nous pour des homejacking et remonte sur la côte est en voiture volée. Au bout de quelques heures, les gendarmes ont détecté un véhicule suspect. Ils l'ont intercepté. Et bien, à l'intérieur, un des jeunes hommes était en fait un évadé. Le garçon de 20 ans était recherché depuis le début du mois pour ne pas avoir respecté son régime de semi-liberté. Hier, il a écopé d'une peine de 18 mois de prison. Au total, 350 véhicules ont été contrôlés au cours de cette opération et 15 personnes ont également été interpellées pour des délits routiers. C'est le jour J pour le festival Santé Nature. Pour la 6e année consécutive, l'association Ensemble pour la Planète organise le festival cinématographique Santé Nature. Le choix de ce média grand public permet aux organisateurs de montrer au plus grand nombre des films qui font réfléchir. L'objectif est de susciter la discussion à l'issue des projections. On écoute Myriam Verduger, bénévole à l'association EPLP. Donc chaque année, on fait plusieurs projections, donc on propose 3 films. Donc on commence par projection Rex à Nouméa et ensuite on enchaîne sur Dimbéa. Alors l'objectif évidemment, bon, c'est déjà de faire de la formation et d'aller à la rencontre évidemment des Calédoniens, pouvoir échanger avec eux, donc plusieurs thématiques. Le potager de mon grand-père, évidemment, on va parler du respect de la terre, donc des pesticides, de l'alimentation. Ensuite, au Océan de la Voix des Invisibles, on va pouvoir débattre sur la protection des aires marines, de ses ressources. Et ensuite, la glace et le ciel, là, c'est plus axé effectivement sur le changement climatique. Nous, la Calédonie, on est particulièrement touchés. Hein. Voilà, ça permet effectivement là de pouvoir parler un peu de notre travail, de tous les dossiers qu'on a en cours, de partager avec le public, voilà où on en est aujourd'hui, nous, en Calédonie, concernant l'environnement. Les trois films seront projetés gratuitement à Nouméa et Dombéa cette semaine et puis en Brousse à la fois, Bouraille et Pointe-d'Imier la semaine prochaine. Toutes les infos sont sur le site de PLP ou sur sa page Facebook. Dans le reste de l'actualité, le suspect arrêté après les explosions à New York et dans le New Jersey. Ahmad Khan Rahami, le suspect d'origine afghane qui était recherché dans l'enquête sur les attentats à la bombe dans la région de New York, a donc été interpellé ce lundi par la police dans le New Jersey après une fusillade. Rahami avait été blessé lors de l'intervention. Deux policiers ont également été touchés, l'un à la main et l'autre au niveau de son gilet pare-balles. L'homme n'était pas sur les radars de la police locale et quant aux motivations du suspect, le FBI a précisé qu'il n'avait aucune information sur une cellule terroriste opérant à New York. D'après Barack Obama, aucun lien en revanche n'a été établi entre ces attentats et l'attaque au couteau commise samedi également, mais à 2000 km de New York dans un centre commercial du Minnesota. Et un adolescent a été arrêté pour la fausse alerte à attentat de Paris. Âgé de 16 ans, l'ado soupçonné d'être à l'origine de la fausse alerte qui avait provoqué samedi une vaste opération antiterroriste a été arrêté lundi et placé en garde à vue. Le jeune homme a été arrêté en début d'après-midi dans la Marne. Selon des sources proches de l'enquête, un deuxième adolescent est toujours recherché. Les enquêteurs de la brigade criminelle de la PJ parisienne privilégient pour le moment la thèse d'un acte malveillant qui serait l'œuvre de hackers. Et puis quatre détenus islamistes d'Osni préparaient une nouvelle agression. À peine deux semaines après l'agression de deux surveillants, quatre détenus de l'unité de déradicalisation de la prison du Val-d'Oise ont été transférés après des menaces. C'est en faisant leur inspection que deux gardiens ont entendu quatre détenus évoquer leur plan d'attaque. Ces quatre mandats de dépôt terroristes, des retours de Syrie et des individus en lien avec l'État islamique, discutaient entre eux de la manière de dévisser les tiges d'aluminium entourant les bouches d'aération de leurs cellules. Le lendemain matin, eh bien, au cours d'une fouille de cellules, deux tiges dévissées ont bien été trouvées dans deux cellules, mais ils n'avaient pas encore eu le temps de les aiguiser. C'est exactement le même mode opératoire qu'il y a deux semaines après l'agression sauvage de deux gardiens. Bon, bah, on va terminer toutes ces infos avec une insolite. On va rendre hommage à ceux qui courent. Déjà, un homme de 72 ans qui vient de courir un ultramarathon. Tu sais combien de kilomètres c'est un ultramarathon ? Oui. Vas-y. Je ne te le dis pas, c'est ça. C'est 160 kilomètres. Je garde mes informations pour ah, moi. Ah, d'accord. 160 kilomètres à 72 ans, il a mis 30 heures, chapeau. Et une autre femme qui, elle, a couru un semi-marathon, à savoir 21 kilomètres. Oui, c'est elle, ça. Bonne réponse. Et elle, elle a tiré son lait pendant... Elle a quoi ? Elle a tiré son lait. En fait, c'est une jeune maman. Je vais t'expliquer. C'est une jeune maman à l'allaite, d'accord ? Oui. À l'aide. Et donc, pendant, au bout de 12 kilomètres, elle a commencé à marcher et elle a tiré son lait avec un tire-lait manuel. Discrètement, okay. Elle a fait ça discrètement, ouais, sauf qu'il y a un photographe qui l'a pris, sauf qu'il y a une maman, une femme devant qui s'est retournée, qui a compris ce qu'elle faisait, qui l'a applaudi. Et donc, ça fait plutôt le buzz. Et elle explique qu'elle s'était inscrite à ce semi-marathon avant de savoir qu'elle était enceinte. Elle ne pouvait pas l'annuler, tu comprends. Ah bah ouais. Et elle a continué à s'entraîner lorsqu'elle a accouché avec la petite dans la poussette. Et donc là, avant de partir, elle l'avait allaitée. Pendant la course, bah, il fallait absolument qu'elle tire son lait. Et juste après la ligne d'arrivée, du coup, elle a pu lui donner le biberon. Très bien. Chapeau quand même. Non mais c'est courageux. Je sais pas. Je sais pas. Si non, bah, ça doit quand même faire bizarre. Oui. T'es en train de courir, tu sais qu'est-ce qu'elle fait à côté. L'autre, il se tapait un sandwich. Enfin voilà, chacun son truc. Hein. Okay. L'autre, elle tire son lait. Oui. Ouais, c'est pas très glamour comme ça, ouais. Effectivement. Merci Delphine, des bordes de rire. Merci Delphine, à tout à l'heure, 7h30, d'autres infos. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Don't you shut your eyes and hide your heart behind the shadow. Cause you can count on me. As long as I can breathe, you should know I'll carry you through the night, through the storm. Give you love, only love in return. I can jump over buildings, I'm no hero. Love can do miracles. I can démarrer la journée, c'est le Morning Energy. Avec Matériaux Center, l'univers des matériaux de construction à Ducos, Zico Paita et Point Boot. C'est donc mercredi qu'aura lieu et on nous demande pour le tirage au sort de la Blue Scope Race, pour les cadeaux qui sont en jeu, un sup Starboard, le voyage au Vanuatu. Restez à l'écoute d'énergie, de toute façon le coup de fil vainqueur vous parviendra bientôt des flots bleus du lagon. Avec la météo justement qui est au beau fixe aujourd'hui, on fera un point dans quelques 7 minutes. La ZIC est de retour sur énergie et puis on vous rappelle que l'inforoute ou toute info, c'est au 05 34 34, vous pouvez nous contactez quand vous voulez, autant de fois que vous voulez. Mais oui, le numéro est gratuit. 05 34 34. Énergie Nouméa 93.5. Besoin de créer ou refaire votre salle de bain ? Socaport, robinetterie avec Duravit et Hansgrohe, sanitaire et meubles de salle de bain. Choix, qualité et conseils dans tout l'univers de la salle de bain. Socaport Plexus à Ducos ou sur Facebook. Socaport, donnez un sens à votre décor. Profitez de moins 30% sur le rayon sanitaire jusqu'au 1er octobre. Depuis que je suis inscrit, je le fais tous les jours, matin et soir, depuis maintenant un mois. Écoute, j'ai pas envie que tu me racontes toute ton intimité, ok ? En fait, je le fais le plus souvent possible. Bertrand, ça va, j'ai pas envie de savoir. Avant, je le faisais tout seul, mais maintenant, je le fais avec une personne différente tous les jours. Je m'en fous, Bertrand. Ah ouais ? Sauf que je t'ai inscrit. Quoi ? Ouais, je t'ai inscrit sur covoiturage.nc. Sur quoi ? Le site de covoiturage en Nouvelle-Calédonie. Ah ok, covoiturage.nc. Le covoiturage, pour moi, pour toi, pour nous. Bonjour, c'est moi Mémé Sourire. Sais-tu que notre bouche est un vrai paradis pour les bactéries ? Elles vivent paisiblement autour de nos dents, mais ces bactéries adorent les produits sucrés. Plus tu manges de sucre et plus les bactéries deviennent méchantes. Elles produisent des acides qui attaquent l'émail. C'est ainsi qu'apparaissent les caries. Cela peut faire très mal et tu peux perdre tes dents. Alors écoute Mémé Sourire. Pour des dents en bonne santé, évite les produits sucrés. Ceci est un message de l'Agence sanitaire et sociale de la Nouvelle-Calédonie. Attention, ce sont les derniers jours pour envoyer Mel Annie. Mais non, c'est pas Mel Annie qu'il faut envoyer, c'est Melbourne. Deviens un auditeur gagnant en écoutant Énergie. Bravo! Envoie Melbourne au 411. Énergie t'offre un aller-retour pour deux personnes pour Melbourne. Validité 6 mois. Envoie Melbourne au 411. Et pour 368 francs, gagne un cadeau de 145 600 francs. Envoie Melbourne au 411. Jeu gratuit, bulletin disponible à Énergie. Attention, ce sont les derniers jours. Tirage le vendredi 30 septembre à midi en direct sur Énergie. Yeah. Énergie Nouvelle-Calédonie. Énergie. J'écoute Énergie partout! Énergie. It's music only. Shut up! fin de la semaine, rendez-vous dans le Morning d'Énergie. Avec Matériau Center, réalisez vos projets sur www.matériaucenter.nc. Allez, des news des séries qui ont été récompensées aux Emmy dimanche dernier. Ce sont les Oscars de la télévision. Game of Thrones et VIP ont été donc sacrées meilleures séries ce dimanche et se sont taillées une place de choix dans l'histoire des prix de la télévision. Game of Thrones est devenu en 6 saisons le programme de fiction le plus récompensé. Au total, 38 prix, battant le sitcom Frasier. La série a décroché donc 3 prix dimanche, mais ses acteurs sont repartis bredouilles quant à eux. La série, la satire politique VIP, elle s'est sacrée, a été sacrée meilleure série comique comme l'an dernier. Elle s'est aussi taillée une place au Panthéon des Emmy grâce à son interprète Julia Louis-Dreyfus. Autre grande gagnante de la soirée, la mini-série The People contre O.J. Simpson. C'est une série qui revisite la bataille entre les avocats de l'ex-vedette du football américain accusé de double homicide et la procureure Marcia Clark. Cette série a remporté 5 prix. Énergie Nouvelle-Calédonie. 93.5. La 7, un espace conçu pour les professionnels et les artisans. Matériaux et produits techniques du bâtiment. Outillage électroportatif, VRD, adduction, plomberie et sanitaire. Pour construire, rénover ou s'équiper, La 7, c'est le tout en un des matériaux de construction à Ducos, Païta, Coné, Lifou et sur www.7.nc. Être au cœur de l'action. Sublimer les émotions, aller au-delà de l'imagination, vivre de nouvelles sensations, c'est maintenant possible au Cinécity. Ouvrez grand vos yeux. Le cinéma en 3D au Cinécity. Cinécity 3D pulse les sensations. Attachez vos ceintures, c'est parti, direction la foire de Koumac. Et au fait chérie, t'as pensé à retirer de l'argent? C'est pas la peine, il y a un distributeur BCI sur place. T'es sûr? Si je te le dis, il est ouvert à tous de 8h à 16h, il y a même un guichet temporaire. Génial, ils sont trop forts la BCI. Depuis plus de 20 ans, la BCI vous accompagne à la foire de Koumac. Un événement à ne pas manquer les 23, 24 et 25 septembre. BCI, ensemble, voir plus loin. L'info en Nouvelle-Calédonie, en France et dans le reste du monde, c'est dans l'InfoSoir. L'InfoSoir, avec les cuisines Tessa, l'univers du design s'offre à vous. Venez le découvrir chez Côté Cuisine et Bain. Du lundi au vendredi, en quelques minutes, l'actualité locale, nationale et internationale, c'est 3 rendez-vous quotidiens sur Énergie à 17h, 18h et 18h30. Avec les cuisines Tessa, chez Côté Cuisine et Bain, 23 route de Lanzvata. Téléphone 28 81 05. Retrouvez l'InfoSoir sur Énergie. Le bulletin météo d'énergie avec la nouvelle Subaru XV. Décidez de la voie à suivre, vivez votre aventure. Ce matin, grand beau temps sur le pays, nous dit Météo France, et le vent est faible. Dans l'après-midi, le soleil brille malgré de petits cumulus sur le relief et les loyautés. Ces nuages débordent parfois sur le nord-est de la Grande Terre. Les températures augmentent légèrement, les maximales sont généralement comprises entre 27 et 30 degrés. On aura même des pointes à 31 sur l'ouest. Demain, alors changement de temps, puisqu'une bande nuageuse accompagnée de petites ondées arrive sur le sud, remontant ensuite le long de la côte ouest et sur Marais, puis Lifou. Cette bande nuageuse se dissipe progressivement l'après-midi en poursuivant son déplacement vers le nord, laissant de nouveau place au soleil sur le sud, sous un ciel parfois voilé. Et jeudi, bien, c'est encore le retour du beau temps. Journée bien ensoleillée affichée par Météo France. La météo, c'est 3 rendez-vous quotidiens. Avec la nouvelle Subaru XV, l'aventure commence sur www.subaru.nc. We'll be right back. suis arrivé au bout, les yeux fermés, je ne tiens plus debout. Je sais, tu sais, j'ai bien failli tomber. Ils ont voulu me voir abandonner. How long you find when they cut you to shreds? Then you turn around and smile just a little. Say happy new year, 'cause this is the end of all the push broken, and you need it to mend. Let go of your fears. Say happy new year. A nouveau départ, un nouveau défi. J'ai vraiment tout donné, vraiment tout donné. J'oublie le passé, enfin je respire. C'est un nouveau jour. Get up. Matériaux Center, acier, bois et dérivés, clôture et grillage, 28-04-04. Énergie, il est 7h30, nous aurons à 8h20 le rendez-vous gag, et puis à moins 10, ce sera Van der Kroet avec les questions existentielles, et pourquoi l'eau de Javel s'appelle-t-elle ainsi ? Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Bonjour Delphine. Bonjour JB, bonjour tout le monde. Le niveau 2 du plan Orsec feu de forêt a été déclenché suite à l'incendie à Ouégoua. Deux incendies qui se sont donc déclarés ce week-end, qui ont ravagé plus de 700 hectares de végétation. Une exploitation porcine qui figure dans l'axe de la propagation du feu est menacée. Et ce lundi, un détachement de 18 sapeurs-pompiers a quitté Nouméa pour se rendre sur la commune de Ouégoua. Sonia Lagarde veut sauver le ponton. La destruction annoncée du wharf du Château Royal ne laisse pas les Calédoniens indifférents. 1979 personnes ont affiché « J'aime » sur la page Facebook « Sauver le ponton » et plus de 2100 signatures sont annoncées sur la pétition en ligne. Et bien dans un communiqué diffusé hier, Sonia Lagarde, députée maire de Nouméa, estime que le ponton doit être restauré ou reconstruit. Elle ajoute que la mairie de Nouméa est

Détendez-vous tous les matins de la semaine pour commencer la journée avec la banane. Le gag d'énergie proposé par le restaurant La Terrasse du Hilton. Venez découvrir notre nouveau concept, les Buddha Bowls, tous les midis du lundi au samedi. Voici Anthony Joubert. Les scientifiques disent qu'il est important de rigoler au moins 5 minutes par jour. Au Japon, ils font des pauses dans leur journée pour rire. Des pauses dans leur journée pour rire. Alors qu'en France, on est obligé de faire « Bon les gars, on arrête de déconner et on bosse maintenant, hein ?» Mais qu'est-ce qu'elle veut que je fasse, ma copine, moi? Banquier, épicier, carrossier, mais je sais pas faire ça, moi. J'improvise de faire une petite parenthèse sur les banquiers. Vous savez, quand nous sommes jeunes talents, on démarre à peine, on gagne pas beaucoup d'argent. Des fois, vraiment, pas du tout rien. Non, mais d'ailleurs, on a de gros soucis avec nos banquiers. D'ailleurs, vous avez vu les banquiers? Au plus tu leur donnes de l'argent, au plus ils font des grands sourires. Le mien, c'est même pas s'il a des dents. L'autre jour, on était dans une prise d'otage tous les deux. On n'était pas fiers. Hein. Moi, j'ai voulu déconner. J'ai fait, pourvu qu'ils prennent mes agios. Il n'a pas rigolé, lui. Lui, il m'a fait, monsieur Joubert, le bouton d'alarme. Le bouton d'alarme. Moi, j'ai fait, ah, fais comme pour le découvert. Envoie-moi un recommandé, cono. Parce que maintenant, t'as vu les banquiers, ils te parlent plus. Ils chantent. Non, mais c'est vrai que moi, vous voyez, si je veux être commis, c'est sûr que c'est pour être célèbre, c'est-à-dire qu'on me reconnaisse dans la rue. C'est pas gagné, hein. Non, mais je suis motivé pour faire des trucs. Moi, j'ai envie de faire des tournées sur Paris, vous voyez, des tournantes à Marseille. Tu vois, je suis motivé pour faire des trucs. Non, mais j'aimerais bien être invité dans des soirées VIP, par exemple, afin que j'arrive à rentrer. Parce que la dernière fois, je suis arrivé devant le videur, taillé en V, V, vilain. Je suis arrivé, j'ai fait, je suis Anthony Joubert, le comique. Il m'a fait, ouais, j'ai rigolé, dégage. Pareil, je serais pris dans des films, vous imaginez? Allô, James Cameron. Ça va, ma couille? Et puis je crois qu'en fait, si j'ai envie d'être comique, c'est un peu pour ma maman. Vous savez, elle est au ciel en ce moment et puis elle me regarde. En fait, elle était un peu artiste aussi. Elle faisait de la danse humoristique. Elle dansait, tu rigoles. Ma mère, quand j'étais triste pour me faire rigoler, elle me faisait la pub de Please. C'est la vieille qui s'élance sur la table. 19 tables, elle a pété ma mère. Et je me dis, vous voyez, si un jour je réussis à Paris, ben, ça s'appellera la chance, le pouvoir et le début de ma vie d'artiste. Merci. Du délire et les meilleurs humoristes, c'est le gag d'énergie avec le restaurant La Terrasse du Hilton. Découvrez notre formule Buddha Bowls. I torture you, take my hand through the flames. I torture you, I'm a slave to your games. Sucker for pain, I got the squad tatted on me from my neck to my ankles. No pressure from the man, got us all in rebellion. We gon' go to war, yeah, without failure. Do it for the fam, dawg, 10 toes down, dawg. Love and the loyalty, that's what we stand for. Alienated by society, all this pressure give me anxiety. Walk slow through the fire, like who gon' try us? Feeling the world go against us, so we put the world on our shoulders. I torture you, take my hand through the flame. I torture you, I'm a slave. Been at it with my homies, it don't matter, you don't know me. I've been rolling with my team, we the illest on the scene. I've been riding around the city with my squad. I've been riding around the city with my city. We just posted getting crazy, living like this is so amazing. Hold up, take a step back when we roll up, cause I know what. We've been loyal, we've been fan, we the ones you're trusting. Won't hesitate to go straight to your head like a concussion. I know I've been busting, no discussion for my family. No hesitation through my scope, I see my enemy. Like, what's up, hold up, we finna reload. Load up, yes I reload up, I know what up, I know what up. I torture you, take my hand through the flame. I torture you, I'm a slave. Devoted to

Pour bien démarrer la journée, c'est le Morning Energy. Avec Matériau Center, l'univers des matériaux de construction à Ducos, Zico Paita et Point Boot. 28-04-04. L'anniversaire des célébrités avec Ramco. Ramco, c'est l'ami des picots. Ramco, de nouveau disponible chez Alto Marine. Dans un instant, on va se faire un grand bonheur. 6 minutes en compagnie de Coldplay pour ça. Up and up dans l'intégralité. On y va sans tarder pour les anniversaires des célébrités. Il a été l'un des journalistes les plus marquants de la chaîne de TF1. C'est PPDA, Patrick Poivre d'Arvor, à 69 ans. Que devient-il? Eh bien, maintenant, il commente la politique pour Yahoo. À 82 ans, Sophia Loren est l'une des actrices les plus importantes du cinéma italien et même du cinéma mondial. Elle a tourné dans de nombreux films depuis la fin des années 50. Elle a obtenu les plus grandes récompenses du cinéma, comme le prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes, ou au cas encore un Oscar de la meilleure actrice. Le patineur artistique Brian Joubert a 32 ans. On peut encore souhaiter un bon anniversaire à celui qui est Alain dans la série Nos chers voisins. C'est l'acteur Gilles Alma. Il a 37 ans. Et puis on va terminer avec Sabine Azéma. Voilà. Elle est également à l'affiche de la comédie Ma famille t'adore déjà. Et ses films notables sont, pour les derniers, Le bonheur est dans le pré, On connaît la chanson, ou encore Tanguy. C'est maintenant Van der Kroet. D'où il vient le nom de l'eau de Jadvel? Hein, ça vient d'où? C'était l'anniversaire des célébrités avec Ramco. Ramco, c'est du costaud. Ramco chez Alto Marine, Nouvelle Plaisance ou Facebook Ramco NC. Énergie Nouméa. 93.5. L'apprentissage est, voilà le messager, voilà l'apprentissage est. Ouverture des inscriptions en août. CAP, BAC, BTS et Bachelor. L'alternance, un diplôme, un salaire. Inscription au point apprentissage. Plus d'infos sur le www.apprentissage.nc. L'apprentissage est, voilà le messager, oh. Chérie, je t'emmène au resto ce soir avec les enfants. T'as gagné au bingo ? Non, j'ai réservé sur le nouveau site Reza.nc. Il y avait une promo à ne pas rater. C'est génial ça ! Ouais, sur Reza.nc, tu peux avoir des remises jusqu'à moins 50%. Et ça marche aussi pour les hébergements et les activités. Tu réserves tout ça sur le même site ? Oui, c'est ça. www.reza.nc. Reza.nc ? Cliquez, réservez, économisez. Pour un repas réussi, une seule recette, La Chaumière au Quartier Latin. L'ardoise du marché, les spécialités mijotées et une cuisine faite maison renouvelée chaque semaine. Profitez de la formule entrée plat ou plat dessert au choix à la carte pour seulement 2880 francs. Oui, vous avez bien entendu, 2880 francs midi et soir. Pour déjeuner sur le pouce, rendez-vous à la boutique traiteur du restaurant La Chaumière, sur place ou à emporter. La Chaumière, ouverte du lundi au samedi midi et soir au Quartier Latin. Réservation au 27 24 62. L'autre jour, je l'ai fait, entre Bourail et Conné, avec une inconnue. T'es sérieux? Ouais, et tu sais quoi? Bah non, dis-moi. Elle m'a payé. Quoi? Ouais, elle m'a filé 500 balles. Tu t'es fait payer? Bon, en même temps, c'est les tarifs conseillés sur covoiturage.nc. Pardon? Bah oui, 100 km à 10 francs du kilomètre, ça fait 1000 francs, et on divise en deux. Ah, ok, du covoiturage. Bah oui, avec covoiturage.nc. Cool. Le covoiturage, pour moi, pour toi, pour nous. L'info inutile, comme son nom l'indique, c'est une info qui ne sera pas grand-chose, sauf à vous faire sourire. Et ça, c'est déjà pas mal. L'info inutile avec... Le karting de Nakutakouin au 76 39 40. Toujours surprenante, souvent drôle, l'info inutile, c'est tous les jours de la semaine à 14h30. Avec le karting de Nakutakouin au 76 39 40, des sensations fortes en journée et en soirée. L'info inutile, ça ne sert à rien. Énergie Nouvelle-Calédonie. Énergie. C'est de la bombe. Énergie, music only. Music only. La minute du professeur Van der Kroet, c'est rigolo, mais rien n'est faux. Avec Cuisine Plus, conseil et recherche du meilleur rapport qualité-prix. Cuisine Plus, au Plexus, chez Socapor, donnez un sens à votre décor. Les questions existentielles du professeur Van der Kroet. Pourquoi l'eau de Javel s'appelle-t-elle ainsi? Je sais, moi, professeur, je sais. Stagiaire Bernardin. C'est Aude qui l'a inventé. Attention, je viens de serrer le poing, là. Aude Javel. Ça faisait longtemps. Ça m'avait manqué. L'eau de Javel, c'est moins bon que l'eau de vie, mais ça se vend mieux. On doit son invention à Claude-Louis Berthollet, chimiste de son état, qui se rend compte, suite à un cours de chimie à la fin du XVIIIe siècle, que le chlore avait ce pouvoir décolorant sur des matières comme le tissu. Monsieur Berthollet modifie les agents de ce chlore et vient de créer l'hypochlorite de potassium. Je vous laisse imaginer la scène à la droguerie du coin. Bonjour. Bonjour. Je voudrais une bouteille d'hypochlorite. Merde, j'ai oublié. Abrège, Claude. Bon, bah, eau de Javel. Parfait, c'est le quartier parisien où tu te trouves. Quartier qui existe d'ailleurs toujours dans le 15e arrondissement de la capitale. Sachez enfin que les enfants sont joueurs. Une intoxication alimentaire sur quatre est liée à l'ingurgitation de produits ménagers. Tu veux goûter l'eau écarlate? Non, merci. J'ai pas fini mon verre de desktop. Alors, parents, pensez à garder ces produits à l'habit de votre marmaille. Jean-Kevin, arrête de sniffer le désherbant. C'est pas bon pour ton asthme. Vous saurez tout dans la minute du professeur Van der Kroot. Avec Cuisine Plus, chez Socapor Plexus Ducos, créez la cuisine qui vous ressemble. Fabrication 100% européenne, solidité et finition haut de gamme. In a car, driving it again, searching for the water, hoping for the rain. Up and up, up and up. Down upon the canvas, working in a meal, waiting for a chance to pick an Irish field. Up and up, up and up. See a bird form a diamond in a rough. See a bird soaring high, but the flood is in your blood. In your blood, underneath the storm, an umbrella is saying, sitting with the boys, it takes away the pain. Up and up, up and up. Up and up, up and up. How can people suffer? How can people part? How can people struggle? How can people break your heart? Break your heart. Oh, yes, I wanna grow. Yes, I wanna feel. Yes, I wanna know. Show me how to heal it up. Heal it up. In the marble, wait to be free. Just need love. had enough. Don't ever give up. Don't ever give up. Énergie Nouvelle-Calédonie. Energy 93.5. Il est 8h dans la radio. Si vous avez des infos sur la route, le ralentissement de Nakutacoin, 05 34 34. On va souhaiter une bonne fête à Davy ou Davy. L'actu de la matinée sur énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. L'info avec Delphine, bonjour. Bonjour JB, bonjour tout le monde. Le niveau 2 du plan Orsec feu de forêt a été déclenché suite à l'incendie de Wegua. Deux incendies qui se sont déclarés ce week-end et qui ont ravagé plus de 700 hectares de végétation. Sonia Laguerre, la maire de Nouméa, estime que le ponton du château royal doit être restauré ou reconstruit. De la prison ferme pour un casse à la voiture Bélier à Païta, ça s'est passé au cours du week-end du 27 août. Le préjudice s'était chiffré à plus d'1 million de francs. Verdict 3 et 2 ans de prison pour deux des prévenus, 8 et 6 mois pour les deux autres. Un jeune homme en cavale a été arrêté à bord d'une voiture volée. Ça s'est passé cette fois-ci au cours d'une grosse opération de gendarmerie pour appréhender les délinquants de homejacking et lutter contre la délinquance routière. Pour la 6e année consécutive, l'association Ensemble pour la Planète organise le festival cinématographique Santé Nature. Ça débute aujourd'hui. Et puis le suspect d'origine afghane qui était recherché dans l'enquête sur les attentats à la bombe dans la région de New York a été interpellé ce lundi dans le New Jersey après une fusillade. À Paris, un adolescent de 16 ans soupçonné d'être à l'origine de la fausse alerte qui a provoqué samedi une vaste opération antiterroriste à Paris a été arrêté lundi et placé en garde à vue. Un deuxième adolescent est toujours recherché. Enfin, à peine 2 semaines après l'agression de 2 surveillants, 4 détenus de l'unité de déradicalisation de la prison d'Ony du Val d'Oise ont été transférés après des menaces. Ils projetaient la même attaque. Sport News, l'actualité sportive, c'est Sport News avec les pneus Yokohama, l'art de la performance. Alors on va attendre pour l'inforoute d'avoir des nouvelles sur le répondeur 05 34 34. On sait déjà qu'il y a un accrochage au niveau de Nakutacoin avec des véhicules sur la voie de gauche. Le sport et Nadal, Farah et deux Français épinglés. Les hackers russes qui se font appeler les Fancy Bears ont révélé une nouvelle liste de 26 noms d'athlètes qui auraient bénéficié d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, leur permettant de faire usage d'un produit interdit. Et parmi eux figurent le quadruple champion olympique d'athlétisme, le coureur de fond britannique Mo Farah et l'ancien numéro 1 de tennis, l'espagnol Rafael Nadal. Et deux Français également figurent dans ce rapport. Dimitri Bascou, médaillé de bronze sur le 110 mètres haies cet été à Rio, qui a bénéficié de 2 AUT en juillet 2013. Et Gauthier Grumier, médaillé d'or et de bronze à l'épée, excusé pour 2 produits consommés en 2009. Et bien Gauthier Grumier a réagi par voie de presse. Il explique que le médicament en question lui a sauvé la vie après un choc anaphylactique qui l'a conduit aux urgences après avoir ingéré de la cacahuète, aliment dont il est gravement allergique. C'est la cacahuète. Bon. C'est ça. Il se moque de moi, JB l'enfant, ce matin. Non, mais c'est à peine arrivé. Balotelli prêt à quitter Nice. Eh oui, son arrivée dans le championnat avait enflammé à la fin du mercato, JB s'en rappelle. Pourtant, Mario Balotelli ne compterait pas s'éterniser à Nice, si l'on en croit les propos de son agent. À l'instar d'Atem Ben Arfa, l'Italien souhaiterait en fait profiter de son passage sur la Côte d'Azur pour se relancer avant de repartir en Angleterre. D'accord. En natation, Florent Manaudou va-t-il poursuivre sa carrière? Eh bien, l'entraîneur du nageur attend une réponse pour la suite de la carrière du vice-champion olympique à Rio sur le 50 mètres avant le 1er octobre. Il a précisé que des discussions devaient se tenir dans les prochains jours avec lui, mais aussi avec les autres nageurs du club, comme notamment Camille Lacour. Et la Nouvelle-Zélande pourrait battre un record du monde. Et après avoir remporté le Rugby Championship à 2 journées de la fin, après leur succès contre l'Afrique du Sud samedi dernier, la Nouvelle-Zélande vise désormais le record de victoires consécutives. Ils en sont actuellement à 15. S'ils l'emportent contre l'Argentine et l'Afrique du Sud, ils porteront leur total à 17 victoires et égaleront le record des Springboks et celui des 2 générations précédentes des All Blacks. Si tu aimes le sport, écoute Sport News avec les pneus Yokohama chez SGIA Pneus Montagne Coupée. Sport News, c'est sur Énergie. tous les matins de 8h à 9h dans Caféine, c'est Karen qui prend les commandes. Avec Fitzone, découvrez le studio HIIT. Explosivité, minceur et résultats garantis. Plus d'infos au 24 16 80. Bonjour, bonjour. Oui, on vous donnera quelques nouvelles de la route d'ici quelques instants. Bienvenue dans Caféine. Aujourd'hui, dans Music News, on parlera d'Olivia Ruiz, qui est de retour avec un joli petit titre, Mon corps, mon amour. On parlera de Kings of Leon aussi, qui nous propose un nouvel album avec un titre intitulé Waste a Moment. On parlera de Michael Moore. Oui, l'intelligent Michael Moore, qui propose un nouveau documentaire après Bowling for Columbine ou Fahrenheit. Eh bien, oui, il s'est inspiré de tous les pays avec un titre comme Où envahir la prochaine fois? Quel pays faut-il envahir et pourquoi? C'est très drôle. Alors, pour la musique, tout de suite, ce sera The Pretty Reckless avec le titre Take Me Down. On va écouter vos messages pour savoir un petit peu plus sur cet accrochage du côté de Nakutakoin. We'll be right back. Nouvelle-Calédonie. Identification. 93.5. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Simply Market. Jusqu'au 2 octobre, vos deux supermarchés Michel-Ange et Tontuta vous invitent à savourer un cocktail de prix cadeau. Et les derniers jours, profitez de remises sur vos produits Auchan. Alors, jusqu'au 2 octobre, soyez festifs, soyez Simply. Simply Market, Michel-Ange et Tontuta. VIP, be Simply. Peugeot prolonge son offre spéciale Festival de l'Auto. Jusqu'à 300 000 francs de remise sur le Crossover 2008. Ou une offre de loyer à partir de 45 200 francs par mois. Valable jusqu'au 30 septembre, voire conditions en concession. Ménard Automobile, 41 44 70. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. La sélection TV du Cahier Fouchot. Un rendez-vous quotidien sur Énergie avec Pacific Gallery. Le plus grand choix de meubles exotiques de qualité et d'objets déco à Magenta. Au 24 04 04. La sélection